Vous l'avez demandé et nous avons écouté. Les prix employés Ford sont de retour. Vous payez ce qu'un employé de Ford Canada paie sur la plupart des nouveaux modèles Ford 2020, la marque automobile la plus vendue au pays. Faites l'expérience de technologies innovatrices et d'un style accrocheur sur les plus récents véhicules 2020 à un prix que vous voudrez partager à tous vos amis. C'est le temps des prix employés Ford. Visitez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien, Robertval et Chibougamau et profitez de ses offres exceptionnelles. Jean-Dumas Multiconcessionnaire. On va parler de football. On a fait le bilan de la conférence nationale. Là, cette semaine, on fait la conférence américaine avec notre ami Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com. La référence, une des références, puisqu'il y en a de plus en plus des bonnes références au football au Québec. Salut Tony. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien. Passez une belle semaine. Oui. C'est une belle semaine, puis... Faut qu'on se mette dedans, hein? La NFL commence la semaine prochaine. Jeudi prochain, donc. Oui. Avant de commencer, je veux te parler de la transaction de Leonard Fournette. C'est une nouvelle importante. Leonard Fournette qui a été libéré par les Jaguars. Est-ce que tu es surpris de ça? J'ai été un peu surpris, mais la façon que je peux comprendre, c'est que c'est l'histoire des Jaguars. Là, ça a l'air officiellement, ils sont en restructuration. Je suis pas mal surpris. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette organisation-là. Là, puis, je pense que. Est-ce qu'on veut Trevor Lawrence? Ça se peut. Mon chum, Alexandre Gauthier, qui était chroniqueur de la NFL, oui. Il me disait qu'il y a eu un sondage, je pense, que les Jaguars de Jacksonville étaient la pire organisation du sport professionnel. T'es-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, je veux dire, si on compare un peu, puis je crois, tu sais, t'as bien dit, est-ce qu'il se prépare pour avoir finalement un bon corps arrière? Parce que c'est vraiment ça. Au football, on part avec un bon corps arrière, puis, tu sais, on bâtit autour de ça. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est l'une des pays. Puis, si on va pour Trevor Lawrence. C'est leur plan, sauf que ça démontre un peu, tu vois, comme Miami, on pensait qu'ils voulaient mal jouer l'année passée ou, tu sais, tout perdre pour aller chercher un premier choix, mais le coach a démontré à son équipe que il faut quand même gagner des matchs, puis on va essayer de travailler fort, puis finalement, ils n'ont pas eu le premier choix. Fait qu'on voit la différence un peu des mentalités d'organisation, puis c'est vraiment dommage que les Jaguars, puis en plus, c'est l'équipe qui aime aller jouer à Londres, en plus. Ouais. Fait que, ça démontre à quel point que c'est une organisation qui en arrache. Je suis d'accord avec le sondage. Oui, effectivement. Tony, on va y aller avec la conférence nationale, mais la conférence américaine. On va commencer avec à tout honneur avec la division S de la conférence nationale. Je vais juste aller... avec les Pats, les Jets, les Bills et également les Dolphins. Incroyable, pareil. Qui aurait dit ça que ça va être une bataille dans l'Est entre les Pats et les Bills de Buffalo, je pense. Oui, t'as bien dit ça. Puis ouais. Qui l'aurait cru qu'on va parler de cette division-là sans Tom Brady après tant d'années? Donc, on peut dire que là, la balance du pouvoir va peut-être aller aux Bills aussi, mais faut jamais mettre de côté tes Pats, Danny. Belichick et Belichick, hein? Exact. Newton a été nommé partant, c'est pas vraiment surprenant. On savait tous que ça allait être Cam Newton. Moi, oui. Tu vois, je m'en doutais bien. Sauf que qu'il soit nommé dans capitaine, ça veut dire que le gars est arrivé au camp d'entraînement avec une belle attitude aussi. Là. Tout à fait, parce que s'il est nommé capitaine, il a été voté par ses pairs. Aux Patriots, c'est de même que ça marche. Là. C'est ça qu'on a pu voir, lire. Donc, puis Cam Newton, tu sais, les corps arrière ils ont du caractère, ils ont une certaine personnalité, puis la façon que ça s'est terminé en Caroline, il a déjà été le joueur le plus utile de la ligue, hein, tu sais. Il s'est rendu au Super Bowl aussi, Cam Newton, donc il était à un match de tout gagner. Pardon? C'est un premier choix overall aussi. Donc bien entouré. On va voir comment il va réagir, mais j'ai l'impression que va falloir que Cam suit un peu les... il devra suivre les consignes de Bill et aussi de Josh McDaniels. Donc, j'ai une petite crainte, parce que Cam Newton, il laissait un peu sa créativité, un peu de tout ça, mais là, il va être comme dans un système fermé. J'ai bien hâte de voir comment il va réagir au playbook, là, au niveau des jeux. Ça va être très intéressant. Les Bills, très bien coachés. Les Bills sont en progression. Mais le corps Josh Allen a quand même beaucoup de pression sur ses épaules pour amener cette équipe-là le plus loin possible. Ils ont eu quand même une belle acquisition avec Stephen Diggs, le receveur vedette de l'ex-Vikings, pour un choix de première ronde. Donc, les Bills ont entouré Josh Allen, mais ça va être vraiment Josh Allen qui va faire la différence. Donc, puis après ça, on va peut-être, au niveau des prédictions, c'est entre ces deux équipes-là. Moi, je... Il y a le droit, toi aussi. T'as-tu des échos du camp d'entraînement? Oui. T'es un partisan des Dolphins, donc toi, comment tu es comporté? Ben, il va bien. Il y a eu le feu vert aussi des médecins. Donc, comparé à sa blessure, ça a l'air qu'il répond très bien à la convalescence. Sa blessure, il pratique très bien, mais ça va être Fitzpatrick qui va commencer quand même la saison chez les Dolphins. Puis, moi, personnellement, je pense que les Bills vont peut-être réussir parce que j'ai l'impression que Cam Newton va avoir un peu de la misère à s'adapter, mais je dis pas qu'il va mal jouer, juste la difficulté à s'adapter pour... Il va falloir qu'il soit bien entouré, un bon jeu au sol. La chronique aussi. Chasse avec Claude Roy est une présentation de Altec. Vous craignez la chaleur pour votre prise durant la chasse, Altec a tout ce qui... Ah, ça va être intéressant à suivre, effectivement. Dis-moi maintenant, on va y aller avec la division maintenant, la division... nord de l'Américaine avec les Ravens, les Bengals, les Browns et les Steelers. Ce qui va être intéressant, écoute, moi j'ai mis les Ravens premiers, je les ai même mis au Super Bowl. Ce qui va être intéressant dans cette conférence-là, c'est les Browns de Cleveland qui avait une bonne équipe, qui a du talent, sauf que ça prend un entraîneur, il y a beaucoup d'ego encore. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Kevin, l'instructeur, le nouvel instructeur Kevin Stephens qui va faire. T'as tout à fait raison. Le talent est vraiment là à Cleveland. Mais est-ce que la chronique chasse avec Claude Stefanski va être capable de consolider, va être capable de consolider tout ce talent-là en victoire, ce que Kitchen n'a pas réussi à faire l'année passée. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait le ménage. Aussi, le DG est parti. Le nouveau groupe a connu quand même une bonne entre-saison. Ils se sont améliorés au poste de plaqueur. Partant au poste d'ailier rapproché pendant le marché des joueurs autonomes. Donc, le talent est encore là. Est-ce que ça va être assez pour que ça soit des victoires? On va voir aussi comment Baker Mayfield va réagir à ça. Mais la grosse question, Danny, dans cette division-là, c'est notre vieux Big Ben. Oui, Big Ben, oui. Est-ce qu'il va être encore... Oui, c'est ça. Il a 38, 39 ans, c'est ça, à peu près 38 ans, à peu près. Oui, c'est ça. Donc, il va être entouré dans cette division-là. C'est tous des jeunes corps arrière, dont Lamar Jackson, qui a été le joueur le plus utile. Puis, on va voir le nouveau premier choix, Joe Burrow. J'ai hâte de voir Joe Burrow. Est-ce qu'il a été confirmé comme partant? J'ai pas vu passer de quoi encore. Confirmé, non, mais... C'est sûr que la franchise passe par lui. Ah oui, c'est clair. Donc, il y a de voir, par exemple, comment ça va être. Oui, parce que je pense que vous n'avez aussi parlé avec Wallet là, lorsque vous parlez lors de la NCAA. Joe Burrow, là, avant sa performance de l'année passée, là, il était classé en troisième ronde. Exact. Donc, on va voir est-ce que vraiment sa saison drive qu'il a connu, Joe Burrow, va l'amener dans la NFL. Il y a quand même un nouveau coach derrière ça aussi, là, derrière lui. Ça va être très intéressant de regarder ça. Mais pourquoi je voulais faire le lien avec avec la NCAA, c'est qu'il y aura beaucoup de talent au niveau collégial qu'on ne saura pas pour le prochain repêchage. Les deux premiers choix sont avec Lawrence et le carrière d'Ohio State. C'est des carrières. Exactement. Puis je suis d'accord avec toi, les Ravens, dans cette division-là, devraient sortir de là. Big Ben, il va peut-être tout donner. Il y a du talent là, mais je pense que les Ravens, c'est une équipe mieux balancée dans cette division-là. OK. On va y aller avec la division maintenant. On va y aller avec la division sud. Avec la division sud, ça, c'est la division des Texans de Houston. Oui. Il y a également les Jaguars de Jacksonville. C'est une division quand même qui est quand même très, très faible. Oui, puis... Les Colts d'Indianapolis et également de Tennessee. Tennessee devrait sortir de cette division-là. Ah, tu penses? Moi, j'ai hâte de voir. On dirait que c'était comme une équipe Cendrillon l'année passée, mais c'est tellement drôle parce que cette division-là, les dernières années, il y a toujours eu une équipe surprise qui a sorti de là. Tu sais, les Jaguars qui étaient rendus en finale de conférence voilà une couple d'années. Là, l'année passée, c'était les Titans avec Ryan Tannehill et Derrick Henry. Moi, je mets une surprise là. Je pense que les Colts vont sortir avec Philip Rivers. Philip Rivers, qui était, va peut-être avoir un changement de décor, ça va peut-être faire du bien. Oui, puis c'est un gars qui a... Ben, c'est un cas qui est connu de connaître des bonnes saisons, mais en éliminatoire, il n'y a pas de succès. Mais lui aussi, Philip Rivers, a 38 ans. On va voir ce que ça va donner avec les Colts. Les Texans, j'ai de la misère un peu avec O'Brien dans ses façons de gérer les joueurs. Il s'est débarrassé de Hopkins cette année. Ils ont quand même Deshaun Watson, mais c'est une équipe qui, défensivement, sont quand même solides. Mais ils connaissent toujours du succès. Mais ça va être une autre surprise, cette division-là. C'est pour ça que j'avais le goût de prendre les Colts cette année-là. OK. Et la division West, Denver, les Chiefs, les Raiders de Las Vegas. Les Raiders de Las Vegas, ça ne fit pas. Et les Chargers de Los Angeles. Les Chargers qui vont aller dans le nouveau stade des Rams. Les Raiders, écoute, nouvel environnement. Il semble avoir quand même beaucoup de positifs chez les Raiders d'Oakland, hein? Oui, ben ils ont une belle attitude. C'est vraiment malheureux parce qu'on faut lire beaucoup, faut voir un peu. On les a pas vus. Non, ça va faire bizarre, ça aussi. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, John Gruden, Mike Mayock sont très positifs. Comme toutes les équipes, on a hâte de voir comment Derek Carr va agir parce que depuis que Gruden est là, on dit toujours que Gruden, Carr, c'est pas le préféré à Gruden, le corps arrière. Fait on va voir que ça va être genre une année vraiment très intéressante pour les Raiders parce qu'en plus, dans un nouveau domicile, sauf que là, un nouveau domicile avec, je me souviens pas s'il va avoir du 25% ou pas pantoute là, à Vegas, là, mais de partisans, fait que ça va être très intéressant à voir, mais c'est une division où ce que les Chiefs, après 50 ans, ont réussi à gagner le Super Bowl et je pense pas que ça va prendre un autre 50 ans pour répéter. Non, je pense que les Chiefs vont... moi, j'ai mis les Ravens parce que c'est tout simplement une question. Écoute, le contrat de Pat Mahomes, ça va changer bien des affaires. Là. Parce que le cap salarial, c'est le cap salarial, ça va changer beaucoup. Là. Il va y avoir moins de latitude pour signer des gros contrats. Là. Oui, mais il y a quand même de la continuité. Là. Ils n'ont pas eu vraiment de... Il n'y a pas grand monde qui est parti de là. Puis en plus, ils ont réussi à repêcher en première ronde le porteur Clyde Edwards-Helaire qui devrait avoir toutes les capacités de jouer comme porteur de ballon et de bien performer. Donc, on va voir s'il va y avoir un lendemain de veille ou ils vont continuer. Il y a beaucoup de personnes qui parlent que les Chiefs peuvent être le genre de mini-dynastie à la Patriots. On verra bien. Mais c'est pas évident avec un... Cette année, il arrive toujours de quoi, là, l'équipe ne peut pas répéter. Il y a des blessures, Puis cette année, Danny, ça va être difficile à prédire. Là. Moi, je pense pas que je vais sortir beaucoup d'argent. Parce que, tu peux peut-être prédire justement des surprises pour faire beaucoup d'argent, mais le fait de pas de spectateurs ou 25%... le fait de ne pas avoir joué de pré-saison, moi, le dernier podcast que j'ai bien dit que ça va prendre un bon 4 semaines pour que les équipes s'adaptent. Moi, je m'attends à beaucoup de blessures aussi. Donc, ça, c'est des blessures, en espérant pas trop sérieuses, mais les blessures, vraiment, ça change le courant des choses. Donc, une division, moi, dans l'Ouest, les Chiefs vont s'en sortir personnellement facilement. Comme tu dis, les Raiders vont être très intéressants à voir. Les Chargers, dans un nouveau domicile, on verra bien. Mais faut pas... Denver, il y a quelque chose qui se passe à Denver qui va peut-être... Drew Lock, qui était un choix de deuxième ronde qui avait vraiment bien fait l'année passée. Oui, puis moi, dans mes prédictions, je pense que Denver va même finir deuxième de sa division. Elway fait confiance à Locke pendant le repêchage, puis l'entre-saison, ils l'ont entouré. L'ancien coach des Giants, Pat Shurmur, il va être le coordonnateur offensif, donc va donner quand même, va aider Fangio. Il va avoir un beau personnel de coaching, on va voir comment les joueurs vont répondre sur le terrain. OK. Tony, un gros merci, au plaisir de se parler, puis la semaine prochaine, on parle des matchs puis de l'actualité comme on a fait habituellement. Puis qui tu vois à la fin? Baltimore, Dallas. De Baltimore? OK. Ouais. Baltimore. Moi, ça va être entre les Ravens, Chiefs, mais je pense que les Chiefs vont retourner au Super Bowl. Contre qui, tu m'avais dit? Je souhaitais les Saints. Les Saints, OK. Les Saints, moi, je vais avec Baltimore contre Dallas. Fait que... Bon, on s'en parle bientôt. Parfait, Danny. Notre ami Tony Guzzo, du site internet, lebitsnfl.com.